L'équipe coréenne a gagné la Coupe du monde féminine de moins de 17 ans de la FIFA 2016, tenue en Jordanie. Le match de finale entre l'équipe coréenne et l'équipe japonaise a eu lieu le 22 courant, heure de Pyongyang. Les premières et deuxièmes mi-temps sont achevées sur un résultat nul. Alors, au pénalty, les footballeuses coréennes ont battu les japonaises par le score de 5-4 et se sont classées premières. À la cérémonie de la remise des prix, on leur a conféré la coupe et les médailles d'or.